Chapitre 18. Page 143. Exercice 4. 1. Quand les parents ont découvert que leur fils était homosexuel, ça a été tout un drame. C'est absurde. 2. Clotilde ne change jamais d'avis et est incapable de la moindre souplesse mentale. 3. Rosine a encore une fois oublié de prendre son passeport. Ce n'est pas possible, elle oublie tout en ce moment. 4. Lambert est toujours convaincu que son équipe complote contre lui, ce qui est faux. 5. Anne travaille jour et nuit pour venir à bout de sa charge de travail.